Faudrait que tu te poses des questions. Faudrait que tu te poses des questions. Faudrait que tu te poses des questions. Faudrait que tu te poses des questions. Je t'amène à cocotte qui provient du sapin que je te passe. L'heure du bastille lapin puis je la tortue qui te dépasse. Ou est-ce la torture que je concocte qui fait que tu te répasses? Pendant que tes wacks assussent mon coq à cause qui fait tant que ça pas de classe. Nos labeurs, c'est des couteaux à beurre assez gros pour qu'on se blasse. Fais donc place, la sucre millage nécessaire. Nous on te voit pas d'en face comme il y a venu se laisser faire. C'est éphémère, mets ton outillage dans la tillage. Sur reste quiet, t'auras peut-être des miettes de notre pillage. À cette stringette, va donc jouer de la guitare. Chaque fois meilleur, puis look what I get. On a bête, mais t'as déjà des têtes face à mon style qui fly high dans le sky comme un jet qui die. Présentement, très lentement, imposant ce qui est révoltant. Parce que tu penses que je te plaisante en représentant, implosant comme un volcan. Moi, la balle, toi, la balle qui revole des Balkans. Sale con, je te donne la date où tu descends ton balcon. What are you gonna do? Bleed on me? Force d'autogestion s'obtient par anarchie. Faudrait que tu poses des questions. Passe ton arrache en esti. Sous ma tonne de roche, ton bastion d'esprit. Ou si t'attends contre âge que t'as pas de réaction. Quand j'aurais appris. Si tu penses que d'autogestion s'obtient par anarchie. Faudrait que tu poses des questions. Passe ton arrache en esti. Sous ma tonne de roche, ton bastion d'esprit. Ou si t'attends contre âge que t'as pas de réaction. Quand j'aurais appris. Sans renoncer, dénoncer ce que tout le monde sait. But here the horn qui vient d'annoncer. Mon nom c'est Morn de carnassier. Je vote des bottes de wack avec des bottes à cap d'acier. Je peux s'en débattre quoi que vous fassiez. Mais y'a des gueux qui veulent débattre à prophétie. Parce qu'ils sont trop gueux. Arc, je joue pas de jeu. Je suis absent de tout style de manège. Sérieux, je suis plus du genre subtil comme du sang sur la neige. Yo, je fais des bombes, pourtant je suis comme tout le monde. J'ai hâte d'avoir hâte, puis j'ai honte d'avoir honte. Entre dans la secte, intrinsèque, des insectes, en tricycle. Puis respecte ma tête du bec, bec, net, fret, sip, pec, sip, c'est insipide. Mes textes, c'est l'excès de tout ce qui se dissout, plus dissipe. Parce qu'ici, le monde se cale, n'étant pas capable de reconnaître notre talent. Ma gang de talent, ma visite vite avec le fait qu'il pas de gagnant. Fait que les astres du fake vont manger du steak saignant. Le succès saillant, sachant pas que je suis le saillant. Voyant tout ce qui bouge en rouge saillant. C'est les mêmes qui écoutent en paillant, pendant que je kick en braillant. Fuck that, pas parce que tu pries que t'es brillant. L'autogestion s'obtient par l'anarchie. Faudrait que tu poses des questions. Poste en arrache en esti. Sous ma tonne de roche, ton bastion respire. You si t'attends contre âge que t'as pas de réaction. T'aurais appris. Si tu penses que l'autogestion s'obtient par l'anarchie, faudrait que tu poses des questions. Poste en arrache en esti. Sous ma tonne de roche, ton bastion respire. You si t'attends contre âge que t'as pas de réaction. T'aurais appris. Ils ont fait du chantage, puis adapté mes textes pour faire beaucoup de foin. Sans adopter le langage par geste, parce que rien que des coups de poing. Coup de pied. L'orchestration de mes frustrations. L'orchestration contre la crasse en incrustation. Fuck la liste des choses que mon œil a pu convoiter. Puis vive les artistes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Fuck la liste des choses que mon œil a pu convoiter. Puis vive les artistes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Fuck la liste des choses que mon œil a pu convoiter. Convoiter, convoiter, convoiter. Fuck la liste des choses que mon œil a pu convoiter. Puis vive les artistes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Fuck la liste des choses que mon œil a pu convoiter. Puis vive les artistes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Fuck la liste des choses que mon œil a pu convoiter.